Êtes-vous déjà allé en France ? Oui, j'y suis allé quand j'étais étudiant. Avez-vous déjà passé des examens de français ? Quel est votre niveau ? Je viens de passer le DELF A2. Je comprends assez bien et je parle un peu. Quelle est votre formation ? J'ai suivi des études d'ingénieur en informatique. Quel diplôme avez-vous obtenu ? Je suis titulaire d'un master. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos loisirs ? J'adore les promenades à la campagne, mais aussi le cinéma et les repas entre amis. Votre conjointe va vous accompagner. Quelle est sa profession ? Mon épouse est infirmière. Elle parle bien français. Et vos enfants ? Ils parlent français ? Dans quelle école vont-ils aller ? Ils sont à l'école française, ici à Canberra. Ils parlent un peu le français. Ce sera bien pour eux d'être dans une école publique en France. Où logerez-vous à votre arrivée ? Qui paiera les frais ? Nous logerons à l'hôtel. C'est l'entreprise qui paiera. Combien de temps pensez-vous rester en France ? Un an pour commencer. Mais si tout se passe bien, l'entreprise a proposé de prolonger le contrat.